petit diable. Chapitre 11. Méfaits de l'homme noir. Quand le tumulte fut apaisé, que des hommes du dehors furent accourus, attirés par le bruit, et que le surveillant fut emporté, les enfants entourèrent Charles, le félicitèrent de son courage et le supplièrent de se mettre à leur tête pour les venger des rigueurs cruelles de leur maître. Il le leur promit. La cloche sonna le souper. Après avoir mangé à sa faim, quoique le repas ne fût composé que de haricots au beurre rance et de salade à l'eau et au sel, Charles passa une récréation agréable en se faisant donner de nouveaux détails par ses camarades et en cherchant les moyens de tirer parti de l'homme noir et des croyances populaires sur les fées et apparitions dans ce vieux château. Il leur recommanda de tâcher de faire parvenir aux oreilles des maîtres des histoires de fantômes et feindre des terreurs afin de donner quelques probabilités aux tours qu'ils se préparaient à jouer et pour lesquels Betty devait lui être d'une grande utilité. Tous jurèrent de ne pas le trahir et s'étonnèrent de n'avoir pas reçu la visite de M. Old Nick à la suite de l'accident arrivé au surveillant. Ils ignoraient que Boxéar avait une grande terreur des fées et qu'il n'avait pas osé parler à M. Old Nick de rien de ce qui eut rapport à son accident. Ils restèrent inquiets jusqu'à la fin de la journée. Mais personne ne les avait interrogés ni grondés. Le sonneur sourd n'avait pas paru. C'était lui qui était chargé d'administrer le fouet aux enfants. Ne pouvant être attendri par les cris qu'il n'entendait pas, ni corrompu par les promesses, ni effrayé par les menaces, il s'acquittait de son ministère avec une dureté et même une cruauté qui le faisait haïr des élèves et apprécier des maîtres dont il était le premier soutien. La journée s'acheva assez paisiblement. L'heure du coucher sonna. Charles avait observé que la cloche se trouvait entre deux fenêtres du dortoir et qu'on pouvait l'atteindre très facilement. « Demain, dit-il, nous ne nous lèverons pas à 4h30. »« Il le faudra bien, répondit un des enfants. À 4h30, le sourd sonne la cloche du réveil. Il ne la sonnera pas demain. »« Comment ? Pourquoi ? » ?»« Vous le saurez demain. Dormez, dormez votre content. » Les enfants ne purent rien arracher de Charles. Ils se couchèrent pleins de curiosité et s'endormirent promptement. Charles veilla longtemps. Quand il vit tout le monde profondément endormi, il se leva, ouvrit sans bruit la fenêtre qui donnait sur la cloche, décrocha le battant, ferma la croisée et alla cacher le battant dans le tas aux ordures. Puis il se recoucha, content de son expédition, et s'endormit comme ses camarades. Le lendemain, à 4h30 moins une minute, le sonneur était à son poste. Il prit la corde, la tira en cadence, comme il en avait l'habitude, et la raccrocha sans se douter qu'il n'avait produit aucun son. 5h, 6h sonnèrent, tout dormait encore à Ferry's Hall. Le sonneur s'étonna enfin de ce calme inaccoutumé. Il monta dans le dortoir, tout le monde dormait. Chez les surveillants, même silence. Chez M. Old Nick, un œil chassieux entr'ouvert donna au sonneur la hardiesse de demander pourquoi il ne trouvait personne de levé à 6h. « 6h ? Malheureux !» s'écria M. Old Nick, sautant à bas de son lit. « 6h ! Et tu n'as pas encore sonné ?» Le sonneur n'entendait pas, mais il comprit que le maître était mécontent. « Ce n'est pas ma faute, répondit-il au hasard. J'ai sonné comme à l'ordinaire, bien exactement, et personne ne s'est levé. » Monsieur Old Nick lui fit comprendre par signe qu'il allait être puni pour n'avoir pas sonné. Le sonneur eut beau protester de son innocence et de son exactitude, Monsieur Old Nick lui fit comprendre qu'il aurait à payer une amende de 2 francs, somme considérable pour le sonneur, qui ne gagnait que 60 francs par an. Charles s'était éveillé à 4h30 au bruit léger qu'avait fait le sonneur en décrochant et en accrochant la corde. Il se posta à la fenêtre et dès que le sonneur fut rentré dans sa loge, il raccrocha le battant. De sorte que lorsque M. Holdnick alla examiner la cloche, il la trouva en bon état et sonna lui-même à tour de bras pour éveiller les dormeurs. Les élèves furent ravis de se sentir reposés et d'apprendre qu'ils avaient dormi jusqu'à 6 heures. Et les surveillants, tout en feignant un grand mécontentement de cette heure et demie perdue pour le travail, s'en réjouirent intérieurement et se sentirent plus disposés à l'indulgence. Quand on se réunit et que M. Holdnick interrogea maîtres et élèves, personne ne put lui rien dire sur le retard de la cloche. Charles seul dit qu'il avait vu un homme noir traverser le dortoir et disparaître par la fenêtre. « Ah ah ! C'est un indice, ça ! Cet homme noir, quelle taille avait-il ? N'était-ce pas un de tes camarades ?»« Oh, monsieur, il était énorme ! Je n'avais jamais vu un homme aussi grand !»« Comment était-il vêtu ?» Il avait une grande robe noire qui flottait autour de lui. Et par où est-il passé ? Oh, monsieur, je ne sais pas. J'ai eu peur quand je l'ai vu passer à moitié dans la fenêtre. J'ai fermé les yeux et quand je les ai ouverts, il n'y était plus. Est-ce vrai ce que tu dis là, polisson ? Oh, monsieur, c'est si vrai que j'ai eu du mal à me rendormir et que j'ai eu peur rien qu'en y pensant. Holdnick le regarda quelque temps. Hocha la tête et dit à mi-voix « Je ne sais que croire, l'homme noir, comment l'aurait-il su ? C'est singulier, très singulier. » Et il s'en alla. Charles expliqua l'affaire à ses camarades en récréation. Il avait trouvé aussi moyen de voir Betty, de la mettre au courant des événements et de lui recommander le méchant chat. « Sois tranquille, lui avait répondu Betty. Il ne l'emportera pas en paradis et il ne recommencera pas, je t'en réponds. Ne t'effraie pas si tu m'entends crier, ce sera une attrape. » Le déjeuner sonna. Les frères Holdnick et les maîtres mangeaient à part pour faire un meilleur repas que les élèves, auxquels on servit des haricots comme la veille et du fromage à la pie. Mais le repas ne se passa pas sans incident. C'était Betty qui devait apporter la soupe à la table des oppresseurs. C'est ainsi que les avaient surnommés les enfants. Dans le corridor qui précédait la salle à manger et que devait suivre Betty, on entendit un grand cri, puis un second. Un des maîtres allait se lever pour voir d'où provenaient ces cris lorsque Betty entra, tremblante, haletante. Elle tenait dans les mains la soupière destinée à assouvir la faim des maîtres, mais elle tremblait si fort qu'en la passant au-dessus de M. Holdnick aîné, elle en répandit sur sa tête et sur son visage. Holdnick cria à son tour. Il avait la figure échaudée, il tempêtait, menaçait. « Oh, pardon, monsieur, pardon !» « Mon respectable maître, » dit Betty d'une voix chevrotante en plaçant la soupière sur la table. « J'ai eu si peur dans le corridor. »« N'importe de quoi, saute !» répliqua Holdnick. « Quand même, vous auriez vu le diable. Ce n'est pas une raison pour m'échauder la tête et la figure. Je ne suis pas une tête de veau, je suppose. »« Oh, monsieur ne croit pas si bien dire. »« Comment, insolente, vous osez me traiter de tête de veau ?» « Jamais, monsieur ! Jamais un veau et monsieur ne se sont accordés par ma pensée. Non, non, je répondais à ce que monsieur me disait du diable. C'est que c'est tout juste lui que j'ai vu. Un grand homme noir, énorme, qui m'a barré le passage. J'ai crié, comme monsieur peut bien penser. Puis il a enlevé le couvercle de ma soupière, il a enfoncé dedans quelque chose de noir comme lui et il a disparu. C'est alors que j'ai jeté mon second cri. Et il y avait de quoi, comme monsieur peut bien penser. » Holdnick enleva le couvercle et vit flotter réellement quelque chose de noir dans la soupière. Il piqua avec sa fourchette et retira avec grande peine un chat. Un énorme chat, le chat noir du surveillant. Chacun poussa un cri d'horreur et de terreur. Horreur pour la fin prématurée et cruelle de leur complice. Terreur à cause de l'homme noir qui faisait sa seconde apparition dans la maison. Personne ne parla. Monsieur Holdnick fit emporter la soupe, que tous regrettaient, mais à laquelle personne n'osa goûter. Betty alla chercher le second plat, qui arriva sain et sauf et qui fut adroitement placé sur la table sans perdre une goutte de son jus. C'était un bon morceau de bœuf brisé dont Betty avait enlevé un bout. qu'elle trouva moyen de glisser à Charles dans la récréation qui suivit le dîner. Elle lui raconta qu'elle avait trouvé le chat mort dans le bûcher, probablement par suite de sa chute, et qu'elle s'en était servie pour faire croire à une seconde apparition de l'homme noir. La récréation fut troublée par 5 ou 6 exécutions ordonnées par les frères Holdnick. Le sonneur se vengea sur les malheureux enfants de la punition injuste qu'il avait subie. Charles eut soin de n'exciter la colère d'aucun des maîtres. Il se réservait pour les grands coups.